Les boycottés. SAID frère. Montreuil sous bois. Écoute. Montreuil sous bois. Eh. Mandat dépôt criminel, à croire que je suis Ferreira. Je suis qu'un gosse qui aime le bif, Fefe et Panamera. J'ai la rage et c'est normal, on m'enferme comme un animal. C'est pour Fleury et Villepin, t'es le pénitencier de mots. Poto, vas-y, garde la pêche, fais ta peine comme un homme. Ce qui compte aujourd'hui pour moi, c'est le bif et le roro. Et si je fais du RAP, c'est parce que j'ai rien à perdre. Ici on fait pas de rhum, t'es pas content, je te nique ta mère. Et si mon rap est violent, c'est parce que la vie m'a traumatisé. Et pour compter mes levées, j'ai pas besoin de cours de maths. Je passe ça à ma patte, même au ballon, il me fait mes pattes. 2013, si Dieu le veut, je fais mon putain de partage. Et si tu veux pas te blesser, mets ton putain de pare-balles. Je redis ici c'est Montreuil, espèce de gros trou de balle. Fais pas le fou à la tête, alors au starter une tasse. De pas me parler de politique, dans ma tête y'a que des liasses. Casquette baissée, camouflé du scopier. Et si je pars au bon char, c'est pas pour regarder la cité. De l'argent ouais j'en ai fait, pas pourtant je prends la grosse tête. C'est pour mes gars cagoulés et ceux qui vendent des plaquettes. Mon place est SAID, déterminé t'as pas idée. 9-3 sans grand péché, en passant par le Bel Air. Nique sa mère le commissaire, rien que d'y penser ouais j'ai les nerfs. H24 sur le terrain. À croire que je suis le ballon. Tu veux devenir comme moi, il suffit d'avoir le bras long. Baiser des tasses à talons, en une pige péter le million. Petit arrête ça tout de suite, franchement t'es trop mignon. Tu te fais passer pour un con, tu vas finir au ballon. C'est ce qu'on me disait petit, mais moi j'en faisais qu'à ma tête. Ça rentrait dans une oreille, ça ressortait par un racket. Je rentrais à la maison, maman qui me dit arrête. Je ferme la porte de ma chambre et je balance mes baskets. En ce temps là j'ai rien compris, c'est en sortant de son prix. Enfin là que j'ai compris, pas de que des hypocrites. Donc là je suis énervé, je vais sortir déterminé. Le premier sur mon chemin, voilà je vais l'exterminer. Je peux pas t'expliquer la haine que j'ai en moi. Je me débrouille pour prendre du bif et on me voit comme un nouveau. Je représente ma 7 années. Après ce 16 t'es cinglé. Boulot tu t'es mis dans le nez. Toute la 16 que je t'ai passé. Proché passe mon job, cause bâtard de pastorer. Passe-moi une cagoule, t'es ma direction port doré. Montre c'est bien là où je suis né. Là où j'ai commencé à chiner. Rouler des gros dorés, rouler des gros dorés. Double dose à la leur, dis de quoi rendre le cerveau peur. Dis piou, piou, v'là les teux, je m'y remballe l'herbe et le teux, j'y glou, glou. Zoubra Tony, 4 bouteilles, je me prends pour toi. Je fais pas le chromi, petit chromi, qu'on te braque et ça sent prolique. Ça a le chien, voilà du frolic. Par ici, on frôle la folie. C'est la reste avant du dolly. Pas de crari, j'aime les femmes polies. Je joue partout, je me crois tout permis. Comme un chat qui jusqu'à vomir. Pas d'avenir, pense qu'à dormir. C'est trop tard qu'on veut revenir. Je vais pas me plaindre, ailleurs y'a pire. Le mal m'attire, faut pas se mentir. Pour s'en sortir, pas de centimes. T'EZ avec ou centimes. À mon actif, plus de centimes. Comme ma peuf, tu l'as senti. Passé chef, fini l'apprenti. Pas d'RNB, c'est garanti. Chien de la casse sans galanterie. Ne recherche que la gâterie. Me parlez pas de la patrie, je fais pas partie de la partie. Entre la droite et la gauche, je place. C'est un bel high kick dans l'extrême des fanatiques. C'est la haine, c'est la panique. La France cool, Titanic, ça nique, y'a plus de petits amis. On se fait des ennemis petit à petit. Et si t'y penses, t'es fini. Un conseil, vite à vie, soleil en guise de vitamine. Car Paris, c'est pas l'Italie. J'suis l'asthmatique sans ventoline. Quand j'ai pas eu ma dose de zik, en manque de fric, c'est un classique. Pour rebondir, pas de trampoline. On rend les coups par principe, on les donne avec plaisir. J'vis là où beaucoup se font saisir. Entre cauchemar et désir, pendant qu'y'en a qu'on appelle cire. Les boycottés, ça peut le faire, donc tais-toi, imbécile. J'avance sans idée précise, système qui rend dépressif. Donc commande pas et t'agresse. Si je fais pas des textes et des récits, j'aime pas les lois et leur insiste. Je m'arrête car là ça devient assis. Tu te boues, ira pas si pour me cacher, faut venir assis. Tu te boues, ira pas si pour me cacher, faut venir assis. Les jeunes cherchent pas l'argent halal, du haut système pas halal. Chez toi, chez moi, c'est pas la même, donc ferme ta gueule quand t'as la même. Représente les boycottés qui tournent en roue, bouffe la gamelle, machiavélique comme Gargamel. J'ai la mentale et je garde la même. Puis de toute façon, je vois pas changement, je raconte toujours ma vie en chantant. C'est la sentence, c'est là que je t'entends. Ouais, je vois que le mal est bien tentant. J'ai pas le talent ou pas le temps, baisser pantalon pour de l'argent. J'ai de la gêne, sur toi des loups, tu t'y blanc, appelle-moi Tarzan. Ta langue quand t'es au stupo, ça vitra de même des coups, s'te plaît, nous stopper. Non, t'es fou, les boycottés, on sait que ça plaît. On baisse à prendre, on te laisse des plaies. On part de la rue, même ça déplaît. Marre de perdre, incarcéré, c'est à ma mère que je fais de la peine. Tire de la pêche derrière les barreaux, je rêve du soleil, but à peste. Et bûche la tête des jeunes, la tête qui subissent la buée et la haine. À force de penser, réfléchir, régir le cerveau qui sature. Je rappe le ventre ouvert à chaque mesure, sans suivre un point de suture. Je fais le point, je suis mature. Dans le rap, suis un schéma pur. Pile ou m'envoie sous Saturne. Là, oui, du oui, je viens de la hure. Je suis pas la une d'un petit vinant, je suis rempli plus d'un petit vice. J'allie les nids comme Tetris. Vois mes parents assez triste. J'ai l'impression de lâcher prise. Non, je suis là, c'est je bédaptise. Non, je rêve pas d'une vie d'artiste. Juste s'en sortir, c'est d'artiste. J'encule ces bâtards d'autrice. J'aime quand les poules rôtissent. Casquette, pochette, c'est routine. En bas des hauts, la routine. Bah oui, je roule et je tire. Accompagné de ma dream team. Les boycottés, les intimes. Coup de bande au porteur de la signe. Ouais, j'aime quand tu me bassines. Oui, t'enlèves tes bachiques. T'as pas mes Mohamed Bachir. Arrête, je connais la musique. Depuis le collège, la rue, je nique. Bande à thèse, mon acolyte. Je lâche des couplets atomiques. Pour mes loups bar alcooliques.